Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourté, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin. La nuit rêvée de Jean-Pierre Calfon. Bonsoir Jean-Pierre Calfon. Bonsoir Alban. Un peu plus de minuit, bienvenue à vous dans les nuits de France Culture. Au fil des heures de votre nuit rêvée, les auditeurs et auditrices font entendre les émissions que vous avez choisies pour eux. Dans un premier temps, il sera question de Pierre Clémenti, Marc O, Romain Gary, Bernadette Lafont et Sacha Pitoef, puis Jacques Rivette, Roger Blin, Alain Cuny, Maria Callas et les Doors. Jean-Pierre Calfon, on en a la confirmation dans les premières pages de votre autobiographie. Dès vos plus tendres années, dès vos premiers mois, dès vos premiers jours, vous avez été du genre rebelle, du genre qui s'accommode mal des règlements. Un garnement, en somme, que vous êtes au fond toujours resté depuis votre naissance, un jour d'octobre 1938, à Paris, dans le 15e. Après tout, tant mieux pour tout le monde, car il fallait bien, dans les années 60, des filles et des garçons comme vous, un peu récalcitrants aux usages en vigueur, pour donner corps et voix à des films, à des spectacles qui eux-mêmes n'avaient pas les bonnes manières, mais avaient compris que l'air que respirait la jeunesse d'alors manquait d'oxygène. Même si j'aime bien de temps en temps raconter de vieilles histoires, je préfère vivre dans le présent, il faut savoir faire le ménage. C'est vous qui dites cela, Jean-Pierre Calfon, mais durant cette nuit, c'est un peu inévitable dans une émission d'archives, nous allons regarder souvent dans votre rétroviseur. Comme vous-même n'avez jamais cessé de le faire dans votre vie d'artiste, dans cette nuit rêvée, avec les archives que vous avez choisies, nous voyagerons entre théâtre, cinéma et musique. Une nuit durant laquelle nous reviendrons sur quelques-uns des chapitres de votre histoire, où nous entendrons quelques-uns de ceux dont vous avez croisé la route, au théâtre ou au cinéma, quelques-uns aussi, et peut-être surtout, de vos plus chers amis. « Tout va bien, ment », c'est le titre de votre autobiographie. Pourquoi « Tout va bien », titre godardien, et pourquoi « ment » et pas « maman » ? Parce que ça a à voir avec peut-être la façon de parler des gosses. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? « Bonjour, ment ». On dit toujours ça, on dit ça. Et comme j'étais un gosse élevé par des gens très simples, hein, mon grand-père venait de Corrèze, ma grand-mère de la Sarthe, mes parents, mon père venait d'Algérie, ma mère était née à Saint-Denis. Bon, voilà, c'est des gens très simples et on parle comme ça. On prend pas le temps de dire maman. Maman, c'est joli, j'aime bien. Et puis ça rappelle un peu aussi It's Alright Mama de Presley. Quelque part, enfin bon, c'est pas tout à fait ça, parce que quand il dit « it's alright, mama », il parle pas à sa maman, en général, c'est plutôt à une femme. Mais bon, une maman est une femme aussi, si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse, hein. Et pourquoi « tout va bien, maman » ? Tout va bien, maman, parce que j'ai commencé, j'ai fugué de chez mes parents, je pouvais pas faire ce que je voulais, hein, la musique, j'amenais trompette, trombone, guitare, je me faisais jeter, donc c'est moi qui suis parti. À 15 ans, j'ai quitté la famille, j'ai pris la route, je suis parti, j'ai mis une frontière entre mes parents et moi, j'étais en Belgique, sans papier, je me suis débrouillé pour passer la frontière en frontalier, et voilà, quand j'ai été récupéré, repris par la police en ayant fait des bêtises en Belgique, ils m'ont mis en tôle à Bruges. Et puis après, je suis revenu en France et on m'a mis en centre de délinquants à Savigny-sur-Orge. Et donc, ma maman pensait que j'allais finir clochard ou je ne sais pas quoi, parce que j'étais, pour elle, j'avais pris la mauvaise direction. Donc, la vie n'est pas finie, ça peut encore se terminer mal, on ne sait jamais. Mais pour le moment, j'ai quand même redressé la barre. Parce que c'est vrai que quand je suis parti, que j'ai fugué, je vivais chez des gens, avec des garçons d'une dizaine d'années de plus que moi, qui picolaient comme des malades de la bière et tout. Moi qui n'avais bu que de l'eau chez mes parents jusque-là, c'était pareil, je suivais le coup. Il fallait suivre le coup, sinon on se faisait virer de la bande, quoi. Donc c'était quand même... Heureusement, je me suis fait coincer, quoi. Parce que je sais pas où j'allais. suis allé nulle part pour le moment. Mais bon, en même temps, vous savez, quand on est jeune, on est inconscient et on est aussi protégé par le désir de vivre et de faire des choses. Donc, je ne m'inquiétais de rien. J'avançais comme ça au hasard. Et donc, c'est pour la rassurer. Tout va bien, maman, c'est pour la rassurer. Elle n'est plus là, elle est partie, elle nous a quittés il y a bien longtemps, en 1960 et quelques, ouais. Alors, je ne sais pas si elle me voit ou si elle me voit pas, mais je voulais lui dire, lui confirmer, quelque part, et me rassurer moi-même, et rassurer mes amis et ceux qui tiennent à moi. Que finalement, pour l'instant, tout va bien. On a juste 16 ans, on y vient en tremblant, folie bergère. On hésite primo entre le casino, folie bergère. On y voit les femmes nues, on en est tout ému, folie bergère. On prend un air blasé, mais on regarde de côté, folie bergère. On a passé 30 ans, on y vient en flambant, folie bergère. On est fiers maintenant, on est au premier rang, folie bergère. Pendant l'entracte, on s'en va faire un tour dans les coulisses, histoire de faire sa cour. Et puis à la sortie, on attend sa chérie, folie bergère. Elle a de jolis yeux, mais le reste est tellement mieux, folie bergère. Puis on a 40 ans, 50 ans, 60 ans, folie bergère. On y revient toujours, c'est comme un vieil amour, folie bergère. On est un peu. Qu'est-ce que vous évoque cette chanson Folie bergère par Maurice Chevalier, Jean-Pierre Calfon? Ça m'évoque que j'ai fait mes premiers sous sur une scène, c'était aux Folies Bergères, justement, dans une revue qui s'appelait Folie Légère. J'avais passé une audition, j'avais pris quelques cours de danse avec un danseur de danse moderne. J'ai passé l'audition, j'ai été reçu et j'ai pu travailler là pendant 5 mois avec une solde, quoi, avec des sous. Et j'ai pu aller d'ailleurs, du coup j'ai pu aller un peu au cours du Lin. J'ai pas appris grand chose dans un cours parce que je n'arrivais pas à lire les pièces en entier. J'avais quitté l'école en 3e sans même finir, donc je peux pas dire que j'avais une grande base intellectuelle ni culturel. Mais voilà. Alors moi, je peux vous chanter une autre chanson de Folie Bergère. On vous écoute. Paris, Paris s'amuse, et zimbadaboum, et zimbadaboum, Paris fait des folies, partout la gaieté fuse, et les femmes, les petites femmes sont jolies. Mais aux Folies Bergères, et hop à les dents, et hop à les dents, des fauteuils au balcon, dans la folie, la lumière, le monde entier toutes les nuits, le monde entier toutes les nuits, le monde entier fait des folies. Après je m'en rappelle plus, vous vous rendez compte que je me rappelle encore de ça? Bah je l'ai chanté pendant 5 mois, hein. Ça m'est resté gravé dans la tête, c'est pas inoubliable comme parole. Vous dites des Folies Bergères, avec le recul, c'était peut-être un passage nécessaire puisque ça m'a permis d'avoir du goût pour la comédie. Non, ça m'a pas permis d'avoir du goût pour la comédie, je l'avais déjà le goût pour la comédie, mais ça m'a permis de rentrer dans des endroits où j'aurais jamais pu aller, quoi. C'est-à-dire prendre des cours au cours du Lin. Charles Dullin était mort depuis longtemps, mais c'était à l'époque du TNP de Jean Villard, avec des professeurs comme George Wilson, Alain Cuny, Jean Villard qui venait de donner de temps en temps quelques cours, Jean-Pierre Darras, Jean-Paul Molineau, des gens qui jouaient au TNP, quoi. Donc c'était un certain niveau. Et puis, élèves de l'école, on pouvait voir gratuitement gratuitement les spectacles du TNP. Donc, moi qui n'avais pas été au théâtre vraiment, j'avais juste vu le chanteur de Mexico avec ma tata Guiguit, puisqu'elle était amoureuse de Luis Mariano. Donc, j'avais vu ça, ça m'avait épaté aussi. Les costumes, les machins, la musique, les gens qui chantent et tout, c'était, j'étais beaucoup plus jeune. Je devais avoir 11, 12 ans. Ça, c'était aussi quelque chose qui vous fait briller les yeux, quoi. Mais après, c'est autre chose, c'est un autre niveau, quoi. C'est un niveau plus enrichissant, quelque part, intellectuellement et même sensiblement. Voilà, sensiblement, parce que c'est le théâtre, c'est quand même une histoire de suggestion et de sensibilité. C'est comme le cinéma, quoi. Il y a le bon cinéma comme le bon théâtre, c'est une grande partie de suggestion, quoi, plus que d'explication. Enfant, rêviez-vous déjà d'être comédien, chanteur, de faire du spectacle votre vie? Oui, j'aurais bien aimé, mais je n'avais pas les possibilités, puisque je dis, j'ai fugué chez mes parents chaque fois que j'amenais un instrument. Donc pour moi, ça me paraissait un horizon un peu bouché, mais ça m'a pas empêché de tenter le truc. Et puis finalement, ben, il y a des gens qui m'ont reçu, j'ai eu de la chance, il y a des gens qui m'ont apprécié, qui m'ont fait travailler, et j'ai appris sur le tas, comme ça, plus que dans le cours. Mais ce que j'ai appris dans le cours, c'est à monter sur scène devant des gens exigeants, c'est-à-dire les élèves du cours et les profs, vous voyez. Même si je ne lisais pas bien les pièces, puisque je lisais juste la scène dans laquelle je vais passer, je ne savais pas d'où venait le personnage, ni où il allait. Donc c'était un petit peu arbitraire, ma façon de travailler, même, c'était velléitaire, disons. Mais n'empêche qu'il fallait passer et vaincre sa timidité. Ceci dit, avant déjà, j'avais joué dans des cinémas de banlieue. On avait joué des pièces de théâtre un peu en amateur comme ça. J'avais joué Lorca, Don Perlin-Plin, j'avais joué Emmanuel Robles, Montserrat. Et ça, là, j'avais pas pris de cours du tout. C'était avant Les Folies Bergères, tout ça. T'es monté sur scène comme ça dans l'inconscience totale. Vous voyez, parce qu'il fallait, il faut faire quelque chose, et que moi, mon truc, c'est de faire. C'est pas de cogiter ni de machin, c'est d'y aller, quoi. Jean-Pierre Calfon, vous teniez absolument à ouvrir cette nuit d'archives avec Pierre Clémenti. Nous l'entendrons en 1973 dans Feu vert à André Almuro, Invention de la parole. Quand et comment avez-vous rencontré Pierre Clémenti? Oh, c'est très simple. Vous savez, comme j'avais pas la patience d'attendre, au cours de l'un, j'avais repéré une pièce, dommage qu'elle soit une putain, de John Ford, contemporain de Shakespeare, hein, pas le John Ford du cinéma, que d'ailleurs, j'ai remarqué dans les archives que Alain Cuny avait joué aussi, ça je ne savais pas. Et il a joué aussi Macbeth, que j'ai joué après, sous la direction de Roger Blin, avec... On en parlera Emmanuel tout Riva. À l'heure. Mais bon, oui, j'avance peut-être un peu trop vite, mais quelle était la question? Comment avez-vous rencontré Pierre donc, Clémenti? J'ai monté cette première pièce et il n'y avait pas un rond. J'ai emmené quand même 15 acteurs derrière moi. On a tout fait à l'arrache, comme ça on l'a joué 6 fois, je crois, dans les jardins du centre américain. Et là, il y a un auteur qui est venu avec sa pièce, Jean-Claude Egère. Cette pièce s'appelait Procès aux Templiers, c'est sur l'histoire des Templiers. Et donc après, il avait un peu de sous, j'ai donc pu monter sa pièce. Et pour cette pièce, j'avais besoin d'un acteur jeune, beau, qui faisait un des Templiers, le plus jeune des Templiers. Et donc j'ai vu différentes personnes, ça ne cadrait pas, pour quelques différentes raisons, ça ne marchait pas. Et mes copains, ceux qui étaient déjà engagés, m'ont dit, est-ce que tu connais Pierre Clémenti? Je dis, ouais, je l'ai croisé dans la nuit de Saint-Germain-des-Prés, parce que j'étais un germano-pratin assidu, et lui aussi. Et noctambule. Et donc ils me l'ont amené, mais je dis, mais il voudra jamais, il avait déjà fait un film, Chien de pique, de Yves Allégret. Il voudra jamais, il est barré sur une autre dimension, sur un autre univers. Et ils m'ont dit, bah écoute, je sais pas, on va te l'amener, il veut bien venir. Bon. Et on a fait tilt tout de suite. C'est curieux. Ben, il avait fait Savigny-sur-Orge comme moi aussi, peut-être, je sais pas. La maison de délinquants, donc. Maison de délinquance. Donc, on n'y était pas ensemble. il était plus jeune que moi de 4 ans, et lui aussi m'a fait confiance, parce que j'étais un metteur en scène quand même inexpérimenté. J'ai décidé d'être metteur en scène. Il a fallu, d'ailleurs, quand j'avais monté Dommage que ce soit une putain, il a fallu que je fasse l'adaptation moi-même du texte, parce que je pouvais pas avoir les droits. Donc je me suis dit, ah bon, je me suis pas arrêté à ça, je peux pas les avoir, ben je vais faire mon adaptation. Et puis c'est tout, il faut avancer dans la vie, il faut faire. Et alors j'ai fait ça. Et donc j'ai rencontré Pierre, et à partir de ce moment-là, ça a été une amitié de, je sais pas, 20, 30 ans, jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Qu'est-ce qui a cimenté cette amitié, cette fraternité entre vous? Qu'est-ce que vous aviez en commun, à part Savigny-sur-Orge? Je sais pas, la fraîcheur, l'amitié, vous savez, ça se discute pas, ça c'est pas, c'est un truc de feeling, c'est, on se sent, de temps en temps, c'est moi qui lui ai tendu la main, dans d'autres endroits, c'est lui qui m'a emmené dans des expériences, j'ai tourné dans les films qu'il faisait. Il y avait une espèce de d'émulation mutuelle, voilà, c'est une histoire d'émulation mutuelle, à se pousser vers faire des choses artistiques et intéressantes et passionnantes, et des choses du cœur, de l'amitié, de l'envie de vivre, de gens qui viennent d'un petit milieu et qui ont envie de, je veux dire, de connaître des choses d'un niveau un peu riche en sensations, voilà. Vous dites de Pierre Clémenti qu'il était, lui, bien plus fragile que vous, que vous vous décrivez comme quelqu'un de costaud, qu'on l'avait célébré pour ensuite le sacrifier. Oui, bah oui, il s'est fait piéger bêtement, c'est pas de sa faute à lui. Il s'est fait piéger bêtement en Italie, dans une maison où il y avait un peu de substance, dirons-nous. Poliment, et la police l'a embarqué, donc devant son fils, qui avait 4-5 ans en plus à l'époque, le fils qui pleurait bien sûr, et ils l'ont embarqué en tôle, donc il pense sortir le lendemain ou la semaine suivante, non, disons dans 15 jours, disons dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois, au bout de 8 mois seulement, le procès. Alors qu'il n'y avait rien. Lui, il n'a jamais dit de sa vie, je le sais, j'en suis sûr, qu'on ait consommé. On l'a fait ensemble, on l'a fait séparément. Ça, oui, d'accord. Mais dealer, non, pas le genre de la maison. Pas besoin de ça, Pierre. Donc, il est passé en procès. Il y a eu Fellini, Pasolini, Bertolucci, Visconti. Tous ces gens-là ont fait des pétitions auprès de la justice italienne pour dire c'est un acteur, il faut le libérer et tout. Ils avaient chopé un étranger qui avait soi-disant perverti la jeunesse italienne. Ils n'étaient pas prêts de le lâcher. Et au bout de 8 mois, ils pensaient être quand même 8 mois de préventive. Hein. Vous savez pas du tout où vous allez, quoi. La prison pourrie de Regina Celi, une vieille tôle. Au procès, il en a pris pour 10 mois de plus. Il a donc fait en tout 18 mois de prison pour rien. Ça lui est monté au cerveau, et la prison s'appelait Regina Celi, la reine du ciel. Tu parles d'une reine du ciel, toi. Il n'y avait pas de reine, il n'y avait pas de ciel, là. Il y avait des murs gris et des malheureux embrigadés, enfermés dans cette prison, quoi. Et bon, il est devenu un peu mystique pour s'en sortir, quoi. Alors, ce qui fait que quand il est sorti, ça a été un peu délicat pour lui. Il a été très fragilisé par cette histoire. Ça m'a toujours fait penser, ce que j'en parle dans le bouquin, à l'histoire de Bacchus. Bacchus, qui est le plus beau du village, on le fait roi pendant une année, on l'habille, machin et tout. Alors lui, il se prend aussi pour un dieu. Et puis, un an après, comme il a peut-être un peu exagéré et tout, ben on n'a plus qu'une envie, c'est de le détruire. Ben c'est un peu ça. Il n'a pas été prétentieux, en plus, il a toujours fait ce qu'il avait à faire avec beaucoup de cœur. Et ils ont été contents, je dis, de piéger un étranger. Et puis, Pierre Clémenti et sa Beaulieu. Dès qu'il avait de l'argent, il achetait de la pellicule et tournait des films courts et d'autres plus longs, Jean-Pierre Calfon. Et sa Beaulieu, hein. J'ai entendu banlieue. Sa Beaulieu. Oui, oui. Caméra Beaulieu. D'abord, une caméra à ressort, hein. La première caméra qu'il a eue, c'était une caméra à ressort. Il a acheté lui-même sa pellicule, des rouleaux de 30 mètres, je crois, ou en tous les cas, je crois que ça devait faire 5-10 minutes. Des rouleaux de 5 minutes. Il montait ça, il faisait des surimpressions et tout, et il a filmé toute l'époque psychédélique, comme ça. Après, il a eu une caméra, toujours une Beaulieu, mais avec une batterie, qu'il mettait sur sa caméra, donc il pouvait tenir un peu plus longtemps. Mais il achetait toujours, il a toujours acheté ses pellicules lui-même avec son argent. Il a produit ses films qui sont maintenant en DVD, qu'on peut voir, qui sont des films absolument extraordinaires, parce que c'est le seul témoignage qu'il y a filmé sur cette époque. Et en plus, il a réussi à faire mettre de la musique là-dessus. Je crois qu'à Beaubourg, ils lui ont passé un studio. Il a pu me faire mettre de la musique sur, en tous les cas, au moins le dernier, l'ombre, à l'ombre de la canaille bleue. Et dans tous ces films, beaucoup de ces films, en tous les cas, je suis là, soit en acteur, soit en personne. C'était une participation active à quelque chose. Comme lui, quand j'avais des groupes de musique, par exemple, il venait toujours jouer, il aimait bien jouer de la scie musicale. Et cette scie musicale, ça donnait, maintenant, c'est comme, un peu comme des sons d'ordinateur, vous voyez. Ça se mélangeait à la musique qu'on faisait, c'était très beau. Et après, il s'est mis même à apprendre à jouer du sax, un peu. Il a joué avec Urban Sax. Et voilà. Donc, il y avait ces liens musicaux, théâtre, cinématographique. On a fait un long parcours ensemble. Et puis, en 1999, il est parti, il nous a quittés. Il n'avait pas envie de voir le 21e siècle, sûrement. Pierre Clémenti, votre frère, votre friend, votre ami, Jean-Pierre Calfon, nous allons vous entendre chanter. My friend, mon ami, listen, listen to me, écoute mon histoire, triste, sad, noire, oh oui. Yes, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime une jeune teenager. She cracks, brise mon cœur, mais il faut se hâter d'aimer. Time is money. Oh, love me. Oh, love me. Il est déjà minuit à ma vie, et elle n'est qu'une enfant. Je le jure, I am in love with you. Pour toi je donnerai tout. La liberté, my life, ma vie. Les lois ont beau me menacer. People is sinistre, les. Oh, love me. Oh, love me. If I was rich and a private bitch, je lui offrirai le sun, le soleil, like a rice pareil. My friend, mon ami, listen, listen to me. Please don't go, ne pars pas. Believe in me, crois-moi. Je ne fais pas de cinéma. Je ne l'abandonnerai, quitterai pas. I love her. Si demain l'on me prend pour avoir aimé une enfant, I will be glad, so glad to love. It's never bad. My friend, mon ami, mon histoire is finished, finie. I love a teenager, plus fragile, belle qu'une fleur. Que vient-on d'entendre, Jean-Pierre Calfon ? My Friend, Mon Ami, ce sont des paroles de Marco. Ça a été mis en musique par Michel Portal et Yvan Julien et arrangé par eux, avec des grands musiciens qui m'accompagnent, Eddie Louis au clavier, Doris Curran à la guitare, Pierre Michelot à la basse, et je pense qu'il y a aussi des cuivres et des chœurs et une orchestration assez extraordinaire de Michel Portal et Yvan Julien, quoi. J'étais pas habitué à ce genre de musique, ça me c'est compliqué pour moi de chanter là-dessus, et pour ça qu'il y a quelques faussetés, mais j'y vais quand même avec le cœur, je pense. Donc, en 1965, quand vous enregistrez ce premier 45 tours, qui d'ailleurs vient de faire l'objet d'une réédition, je crois, en 1965, donc vous voyez, est-ce que vous voyez tout autant parti pour être chanteur que comédien? Est-ce que vous vous rêviez en idole des jeunes, en pleine époque de Salut les copains et d'Âge tendre et Tête de bois? Jamais en idole des jeunes. Non, j'avais envie d'être un chanteur sincère, comme les grands chanteurs, mais j'avais pas de base donc pour faire ça. Donc c'est comme pour être acteur, je n'avais pas de base, donc je naviguais à vue. Et j'ai la chance que, par exemple, chez CBS, Françoise Lowe vienne me chercher parce qu'elle avait vu Les Idoles et elle m'a fait faire ce disque, ce 45 tours, 4 titres. Comme on faisait à l'époque des LP, ça s'appelait. Et non, je ne me projetais pas vraiment. J'avançais, je faisais les choses les unes après les autres. J'avais pas de plan, de carrière, non. My Friend, Mon Ami, parole de Marc O. Marc Gilbert Guillaumin, dit Marc O, c'est lui que l'on retrouvera pour la deuxième des archives de votre programme. Marc O, auteur dramatique, homme de théâtre et cinéaste, écrivain, tête critique et pensante, réalisateur en 68 d'un film devenu culte, Les Idoles, avec Pierre Clémenti, Bulogier, vous-même et beaucoup d'autres. Sans risquer de se tromper, Jean-Pierre Calfon, on peut dire que la rencontre avec Marc O a été déterminante pour vous. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Avant Les Idoles, on avait joué, j'avais vu des spectacles de lui, j'avais vu Le Printemps, Les Playgirls, l'Anticam, et d'un seul coup, par l'entremise de Michel Moretti qui jouait dans le spectacle de Marco, et par l'entremise aussi de Pierre Clémenti qui jouait dans les spectacles de Marco déjà, et de Philippe Bueno, ils m'ont amené à Marco pour jouer une pièce qui s'appelait Les Bargasses, qu'on a joué d'abord au théâtre Édouard VII et ensuite au studio des Champs-Élysées. Et ce qui m'avait beaucoup plu, et puis ensuite on a joué, il nous a écrit Les Idoles, et Les Idoles a été écrit pour nous, vraiment. Quand j'ai découvert Marco, j'ai découvert un théâtre physique. C'est-à-dire que Marco faisait bouger les gens sur le verbe, presque comme une chorégraphie du verbe. C'est assez inexplicable. C'est-à-dire que c'est un niveau de jeu qui n'est pas réaliste, qui n'est pas de l'imitation de la vie. C'est une espèce de transposition. Souvent, des fois, on retombe sur quelque chose de juste simple, comme ça. Puis ça décolle. Les personnages partent et vont dans une autre dimension. Et ça, c'est quelque chose de, comment dire, je sais pas. C'est inexprimable. C'est d'un seul coup, on se dit ah ben là, il y a quelque chose que personne n'a tenté. C'est bien de le faire, quoi. C'est bien d'y aller. Ça fait du bien, ça aère la tête, on n'est pas là pour, comme des perroquets ou des singes, à essayer de reproduire la vie, quoi. En 1960, Marco avait fondé à l'American Center une école de théâtre. Outre vous-même, Pierre Clémenti, Bulogier, à laquelle Marco a fait faire ses tout premiers pas de comédienne, qui est passé par là? Higelin? Enfin, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. Moi, j'étais à l'American Center quand j'ai monté ma pièce de Dommage que ce soit une putain. Mais pendant le même temps, il y avait Marco qui donnait ses cours. Là, je le croisais avec Bulle, tout ça. Mais on se fréquentait pas à l'époque. C'est plus tard que les choses se sont, comment dirais-je, imbriquées. Mais à quoi ressemblait cet endroit, l'American Center, à cette époque? Bah, c'est maintenant, vous savez, maintenant c'est l'endroit où il y a la Fondation Cartier, boulevard Raspail. À quoi ça ressemblait? C'était merveilleux. C'est une espèce de bâtisse avec un grand jardin autour. C'est là, d'ailleurs, c'est dans le jardin que j'ai pu monter ma pièce, parce que il y avait un théâtre à l'intérieur, mais le théâtre était pris par différents spectacles, donc il n'était pas libre. J'ai pu monter, j'ai demandé, mais vous voyez, la force de conviction de la jeunesse, j'ai pris le directeur entre quatre yeux et je lui ai dit, je veux monter cette pièce, je veux la monter dans les jardins du centre puisque je peux pas avoir le théâtre. Eh ben, je l'ai eu, vous voyez. Il faut quand même, des fois, être convaincant et convaincu. C'était une bâtisse dans laquelle il y avait plein de salles. Je crois qu'il y avait une piscine, il y avait des salles de sport, il y avait l'American Center, quoi. J'ai pas tout vu d'ailleurs, parce que moi j'étais vite embarqué par mon histoire de monter le spectacle. Je venais le matin avec un copain, on aplanissait, on retirait les cailloux du jardin, j'avais pris un acteur dont le père était... était exportateur de frigidaires, donc c'était des grands frigidaires dans lesquels ils étaient enfermés dans des caisses en bois, et ces caisses en bois m'ont servi pour faire des planchers pour mes acteurs, pour qu'ils marchent sur quelque chose de stable, vous voyez. Mais tous les matins, il fallait venir creuser le... Donc, vous voyez, c'est la jeunesse, la force, de l'envie. L'envie de quoi on ne savait pas. on avance. Avec l'archive suivante, on restera dans la même époque de votre vie. On entendra Romain Gary en 1969 parlant de ses déboires avec la critique pour son théâtre et ses films, notamment « Les oiseaux vont mourir au Pérou ». Pour vous, travailler avec Romain Gary sur ce film, qu'est-ce que ça représentait ? Ah bah, ça représentait, à l'époque c'était difficile pour moi, je ne connaissais pas Romain Gary, comme j'étais un inculte, vous voyez ce que je veux dire, j'étais très ami avec des gens de chez Gallimard, avec Janine Gallimard, et elle m'a emmené un jour chez Romain Gary, pour me le présenter, parce qu'elle savait qu'il avait écrit une pièce et que elle avait vu mes mises en scène, elle avait même travaillé avec moi sur la mise en scène, comme assistante sur la mise en scène des procès aux Templiers. Et elle m'a emmené chez Romain Gary pour qu'on parle de sa pièce. Il m'a trouvé trop jeune, il n'a pas voulu me la donner, il l'a donné à François Perrier qui l'a monté, ça n'a pas marché, ça s'est étalé. Donc j'en ai beaucoup voulu. Tête de veau que j'étais, vous voyez ce que je veux dire? J'étais un petit peu rébarbatif. Quand il m'a appelé pour jouer ce rôle magique, formidable, qui m'a donné le rôle de l'homme de main de Pierre Brasseur, c'est pas n'importe quoi, hein, Pierre Brasseur, c'est quand même Pierre Brasseur, quoi. C'est un grand monsieur. Donc, quand il m'a appelé pour jouer ce rôle-là, il m'a dit, oh, je vous ai vu dans Mamaya, dans le film Mamaya, où vous jouez un chauffeur, ben, vous allez jouer encore un chauffeur, là. Oh, alors ça aussi, ça m'a énervé de me dire, bon, maintenant, je vais faire des chauffeurs toute ma vie. Et donc, quand il m'a demandé de me laisser pousser la moustache pour le rôle, le premier jour de tournage, je suis arrivé sur le tournage, rasé. Le garnement. Oui, le garnement était toujours là. Il est toujours là, d'ailleurs, un peu. Si vous voulez, il y a un moment où il faut savoir ce qu'on veut. Et alors, j'ai réussi à m'imposer à Romain et à imposer ma façon de jouer à Romain. Et il a adoré. Il m'a même rappelé pour son film d'après Kill, qui paraît-il n'est pas bon, mais je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Et je ne pouvais pas. J'étais occupé par autre chose. Donc, vous voyez, mes relations avec Romain étaient une relation qui a été difficile au départ. Et alors, en plus, après, quand j'ai lu ces textes, quand j'ai connu ce qu'il écrivait, d'un seul coup, je me suis trouvé tout minable, tout petit, parce que c'est quand même un grand monsieur, et que ce qu'il a fait, avoir le concours avec une première façon d'écrire, une deuxième façon d'écrire sous le nom d'Émile Ajar, avec un autre genre d'écriture, c'est quand même la force d'une sensibilité et d'une intelligence exceptionnelle, quoi. Donc j'ai été en grande admiration et en grande fascination pour Romain, quoi. Et j'étais très heureux de participer à son film, qu'on a réussi à retrouver, qu'il avait disparu pendant 50 ans, et qu'on a fait passer dans la rétrospective que la Cinémathèque m'a accordée en septembre dernier, enfin voilà, juste au mois de septembre. Du 10 au 15 septembre, je crois, ouais. On a passé une dizaine de films, dont Les oiseaux vont mourir au Pérou. Les oiseaux vont mourir au Pérou ont été joués, enfin projetés dans la grande salle Henri Langlois. Et ils ont dû vendre des marches, même, tellement il y avait de monde. Parce que quand même, Romain Gary, maintenant, il vient d'entrer à la Pléiade. C'est un auteur adulé, en France. Et, tout le monde avait envie de voir ce film que personne n'avait vu, finalement. Il est sorti en mai 68 ou par là, et les gens n'allaient pas au cinéma, quoi. autre voix dans votre programme, celle de Sacha Pitoëf. C'était dans votre jardin secret en 1972. Vous pouvez peut-être rappeler aux auditeurs qui était Sacha Pitoëf, un nom peut-être un peu oublié aujourd'hui. Sacha Pitoëf était le descendant de deux grands personnages du théâtre, Georges et Ludmilla Pitoëf. Il était leur fils. Et il a été un homme de théâtre et un homme de cinéma aussi. On l'a vu souvent dans des rôles de méchants au cinéma, dans des James Bond, je crois, ou dans des films comme ça. Un grand monsieur au visage émacié, comme ça, un regard absolument perçant, une belle voix, un peu timide aussi, quand même. Voilà, je ne connais pas bien sa carrière, je sais que je l'ai vu au cinéma, mais je sais pas dans quoi. Et c'est surtout une énorme carrière de théâtre, c'est de metteur en scène et d'acteur de théâtre. Et il vous a donc mis en scène dans La Dame de la Mer d'Ibsen. Dans votre livre, vous racontez comment Pitoëf vous a sauvé alors que le directeur du théâtre voulait lui vous virer. Absolument, et j'en suis fier, j'étais assez mauvais dans cette pièce. J'en suis assez content. Non, je rigole, je n'en suis pas content, mais je n'arrivais pas bien à saisir. Heureusement, après, j'ai tourné au cinéma avec des gens qui donnaient pas le scénario, qui vous demandaient d'improviser, donc j'ai retrouvé un vrai sens de la spontanéité. Tandis que là, au théâtre, moi, d'un seul coup, j'essayais de penser, j'étais pas équipé pour, vous voyez. J'avais pas les neurones assez huilés pour ça. Donc, d'un seul coup, tout devenait lourd et compliqué, et parce que j'essayais de penser, qu'est-ce qu'il pense ce personnage entre les mots et tout, donc je prenais des silences, des temps, des trucs, j'étais un peu comme un fantôme, comme ça. Hein. C'était en plus, ce personnage revenait après des années d'absence pour essayer de récupérer une femme qui s'était mariée avec quelqu'un d'autre. Elle avait été amoureuse de lui, et lui, il était parti. Il vient pour la retrouver, il est un revenant. Et moi, comme un imbécile, je jouais ça comme un revenant, vous voyez. Un revenant, comme dans des films de je sais pas quoi, vous voyez ce que je veux dire, de vampires, des trucs comme ça, donc c'était à côté de la plaque totale. Et donc, Georges Herbert, le directeur du théâtre de Lèves, a voulu me virer, et Sacha m'a sauvé. Mal lui en a pris, quelque part, parce que je me suis fait assassiner dans les critiques. J'ai eu très mauvaises critiques, et j'en suis fier. Il faut bien en passer par là. Pour faire ses classes. Voilà. Oui, il faut faire ses classes. Quand on n'a pas été vraiment à l'école, on apprend en s'en prenant des fois plein la tronche, quoi. Avant Sacha Pitoëf, avec lequel se terminera la première partie du programme de votre nuit rêvée, nous aurons entendu Bernadette Lafont en 1977 dans Démarche de Gérard-Julien Salvi. Peut-on dire qu'avec Bernadette Lafont, ce fut une amitié de toute une vie ? Oui, Bernadette Lafont était comme ma sœur. Nous étions nés au mois d'octobre à 2 jours de différence. C'était quand même incroyable, la même année. Donc, comme on avait 2 jours de différence, elle était née 2 jours avant moi, elle le 28, moi le 30 octobre. Je lui disais, tu pourrais être ma mère. Parce que c'est quand même Bernadette Lafont, donc elle a des pouvoirs spéciaux. Donc, 2 jours, on ne lui aurait pas fait peur pour me fabriquer. Bon, enfin bref, on s'est connus sur un court-métrage de Gérard Pires. Et après, on est restés très amis jusqu'à sa disparition. On a joué dans plusieurs films. Elle est venue dans Les Idoles, elle nous a rejoint dans Les Idoles. J'ai joué dans le film de son mari. Djurka Miedvetsky. Le film s'appelle Paul, avec Bernadette, Jean-Pierre Léo et moi, et pas mal d'autres gens. On a fait une pièce de théâtre ensemble formidable, une pièce de copie, La Tour de la Défense, avec Pierre Clémenti, Bernadette et moi, Rémi Germain, Salam Al-Abdami, Art Steller, enfin, voilà. Et vous ne vous êtes jamais quitté. On ne s'est jamais quitté amicalement, je veux dire. On s'est quitté aussi, elle partait faire ses trucs, moi aussi, je suis parti souvent en Amérique, machin, revenu, parti. Mais on n'était pas un couple, on était un duo, si vous voulez. Enfin, un duo de temps en temps, mais surtout un duo d'amis, quoi. L'amitié, Jean-Pierre Calfon, n'est-ce pas au fond ce qui a toujours compté le plus, y compris dans votre travail? Est-il envisageable pour vous de travailler avec des gens dont vous ne pourriez pas, d'une manière ou d'une autre, être l'ami? Oui, ça m'était arrivé, oui. Ça m'était arrivé, mais d'ailleurs, des fois, ça s'est mal passé avec certaines personnes. Rarement. En général, je m'entends bien avec les gens, mais je n'ai pas besoin d'être ami non plus. Est-ce que j'ai juste besoin d'avoir du respect et qu'on respecte mon travail aussi. Voilà, c'est ça. Vous savez, quand on fait beaucoup de choses, et j'ai fait beaucoup de choses, on ne peut pas être ami avec tout le monde. On est proche pendant le temps du travail, le temps du film, ou le temps de la pièce de théâtre, des répétitions, puis du jeu, et tout ça. On est proche pendant ce temps-là, on forme comme une espèce de famille, hein, pendant ce temps-là. Et puis cette famille éclate à la fin du... Et on se retrouve ou on se retrouve pas plus tard. Voilà, mais comme vous savez, je n'ai pas un besoin maladif d'être ami avec les gens. J'ai besoin d'avoir confiance et qu'eux, ils ont confiance en moi. Alors quand on n'a pas confiance en moi, ou quand moi j'arrive pas à avoir confiance en ce qu'on me dit, là ça peut déraper, quoi, disons. Quand vous regardez en arrière, même si ce n'est pas votre sport préféré, l'une des grandes cruautés du temps qui passe, est-ce que ce n'est pas les amis que l'on perd en chemin ? Bah évidemment, évidemment. D'un seul coup, il y a des gens dont la disparition vous laisse seul, solitaire. Vous savez que vous ne retrouverez pas quelque chose comme ça parce que ça a été fait. Ces amitiés-là se sont faites sur le temps. Avec le temps qui passe, les atomes crochus sont restés mois après mois, année après année. Vous voyez, donc on refait pas ces choses-là. On poursuit, on rencontre d'autres gens. J'ai eu d'autres amis. J'ai eu un grand ami qui s'appelait Paul Ives aussi, qui composait les musiques de mes chansons. Ça a été une rencontre extraordinaire aussi. Mais les amitiés d'enfance et de jeunesse, c'est pas pareil, quoi. C'est un truc un peu préservé. Merci Jean-Pierre Calfon. Nous allons écouter les archives de la première partie de votre Nuit rêvée. Dans un instant, Feu vert à André Almuro, Invention de la parole avec Pierre Clémenti en 1973. Marc O, l'acteur autrement, dans un numéro de Surpris par la nuit proposé par Xavier Baert en 2004. Et puis il sera question de théâtre et cinéma dans un des entretiens avec Romain Gary par André Bourin en 1978. Démarche avec Bernadette Lafont au micro de Gérard-Julien Salvi en 1977. Et enfin, Sacha Pitoëf, votre jardin secret en 1972 par Martine de Breteuil. Nous nous retrouverons dans un peu plus de 2h30 pour parler de la suite de votre programme. Jacques Rivette, Roger Blin, Alain Cuny, Maria Callas et les Doors. A tout à l'heure, Jean-Pierre Calfon. Du beau linge, non? Oui, mais avant cela, on vous écoute Solitaire par Jean-Pierre Calfon. Avant de rentrer chez lui, il admire l'arc-en-ciel. Mille soleils sous la pluie, couleurs qui l'émerveillent. Mais pour la peau des hommes, c'est la sienne qu'il préfère. Peur d'un mélange qui comme la lignée de ses pères. C'est un solitaire sans élu.